L'identité nationale n'est pas carrée. Ses angles sont trop obtus. Et par onde non plus, son langage est bien trop cru. L'identité nationale n'est pas rectangle. Très étriquée, elle t'étrangle. Elle n'est pas non plus de forme ovale, laissons cela à la noble balle. L'identité nationale n'est pas belle, pas de grandeur universelle, pas même de taille européenne, elle est simplement pas humaine. Alors vraiment, ne cherchez pas, l'identité nationale, elle est hexagonale.